Analyse du 24 avril 2022 par Thierry Pirlo, Sherpa One. Le sida est un syndrome d'immunodéficience acquise et il existe bel et bien. Cependant, le virus du VIH est une escroquerie intellectuelle et une psyops qui a rapporté des milliards et exterminé des millions d'innocents grâce au poison AZT et aux trithérapies. Ou comment inventer un problème pour y apporter une solution? Exactement comme pour la fausse pandémie de Covid. J'étais déjà au courant depuis des années, mais je vais partager à Max cette très intéressante vidéo, car je pense que c'est la prochaine carotte qu'ils vont tenter de nous introduire avec de pseudo-tests VIH aussi foireux que les faux tests PCR, histoire de nous convaincre d'une nouvelle épidémie cachant l'hécatombe de celle du Covid-19. On constate que l'un des effets secondaires du vaccin ARN est de foutre en l'air l'immunité innée des vaccinés, quoi qu'ils en pensent, à cette heure. Et quoi de mieux que le sida pour l'expliquer prochainement? Le professeur Montagnier a, je pense, réalisé ses erreurs en participant à ce cirque et a ensuite tenté de les corriger. Mais quand on est Nobel pour un non-événement de cette ampleur, il est difficile d'en critiquer les tenants quand on a grassement profité des aboutissants. Il a tenté de redresser ses torts comme il a pu durant des années et probablement sous les menaces, mais le mal est fait. Paix à son âme, car il aura fait ce qui lui était possible. Pour le reste, d'ici peu, vous ne serez plus dupe de la pseudo-médecine pasteurienne et serez prête à mettre en pratique le sacro-saint principe de précaution si ces psychopathes tentaient de nous convaincre que nous sommes, en plus du Covid-19, atteints du sida. Partagez-la un maximum à vos amis et familles. Et prenez soin de vous, bien sûr. Sherpa One. Je rajouterai, n'hésitez pas à regarder régulièrement dans le descriptif les liens des vidéos que nous rajoutons. Merci.